aujourd'hui à Assemblage Requis. Alex Marchand viendra nous titiller avec les actualités passées et à venir de la GEQTR. Et on activera nos papilles dans la chronique Malbouffe, une grosse pointe d'adresse. Assemblage Requis commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 1er décembre 2016, à 147 jours de la fin de l'année scolaire, en temps direct des studios de Tifo à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, 147 jours, ok, c'est loin, mais le mois de décembre. Hey, on est en décembre. December. C'est fait, là. Brr. On peut commencer à parler de Noël. Ouais. On peut mettre de la musique. Ouais. On peut allumer nos Noël, nos Noël, nos lumières. Allumer nos Noël. Et voilà. Ouais. C'est juste qu'il manque la neige parce que... C'est de la pluie aujourd'hui, ouais, mais bon, c'est... C'est ça, de toute évidence, ce matin, Mère Nature a décidé de nous mettre de la pluie. Et nous enlever la neige qu'on avait, parce qu'on avait un petit peu de neige. Oui, oui, oui. C'est un peu triste. Bref, ouais, c'est plat, c'est gris comme journée. D'après moi, ça va être gris toute la journée, on va voir ce que ça va donner. Forte possibilité. J'ai marché 5 minutes dehors à peine, puis je suis déjà tout rentre. C'est comme ça. C'est n'importe quoi. Préparez-vous. Aujourd'hui, l'émission, on va avoir un bon petit plan, comme d'habitude les jeudis. On a Alex Marchand qui va être là à 8h pour la chronique de la GEQTR. On va parler de plein de choses aujourd'hui, entre autres de Movember, de Tribune Libre, du camp de mi-mandat, du Noël du Pauvre, de la formation Sentinelle, du Cray, d'Impro, du Rallye des Assauts et d'Atomes Crochus. C'est une longue liste de choses. Oui. Bonne grosse chronique aujourd'hui. Ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, on devrait avoir Judith Étier pour nous parler du Noël du Pauvre. Ça s'en vient tout à l'heure. On va aussi avoir une grosse pointe d'adresse en fin d'émission. J'ai déjà trouvé quelques produits. Je vais te demander de choisir lequel tu veux aujourd'hui. Oh, d'accord. On va débuter dans quelques instants avec toi, Tania. Tania Jgolin-Jetania, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, on est jeudi. On est jeudi. Ça veut dire que je fais le tour de l'actualité avec vous, ce qui a retenu mon attention. Les nouvelles qui sont passées peut-être un petit peu plus incognito dans quelques cas. Dans d'autres, on en a déjà entendu parler, mais peut-être que vu que c'est local, on va en reparler. On ne sait jamais. Puis hier, je voulais vous parler de voiture un petit peu, faire quelques nouvelles du côté de la voiture, mais on n'a pas eu le temps. Donc, on va glisser à tout ça. Les fameuses nouvelles. Je me rappelle pas de ça hier. Ben ouais. On a sauté quelque chose, je me rappelle pas. Et ben, hier est un autre jour, comme oui. On l'appelle. Donc on fera ça tout à l'heure avec toi. Mais avant ça, une pièce du palmarès francophone qu'on n'a pas encore entendue. C'est la seule qu'on n'a pas entendue dans les nouveautés. C'est celle de Catherine Durand. Première gelée. Tout de suite à Assemblage Requis. On la met là parce qu'elle est vraiment calme et ça fit avec la température. Exact. C'est Assemblage Requis jusqu'à 9h30. À l'automne, balayé d'oranger, saignant de rouge et or, chargé d'hélium, à demi envolé, s'accrochant au dernier de tes soupirs, refaire le tour du cadran, pouvoir te ralentir, voir we Catherine Durand et première gelée à Assemblage Rocky. Maintenant, je dois m'excuser publiquement, Tania, je sais que je l'ai fait en ronde, t'as dit que c'est pas grave, mais hier, on a oublié de faire ta chronique, j'ai oublié, je t'avais mis à la fin après ce qu'on avait à 9h, et puis finalement, on a fini l'émission de même, puis on n'a pas fait ta chronique, c'est plate un peu. Donc aujourd'hui, on se reprend, j'espère qu'on va pouvoir faire tout ce que tu veux aujourd'hui, tu prends toute la place que t'as envie de prendre, Tania, impose-toi. D'accord. Impose-toi. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain. Tania, aujourd'hui c'est le tour de l'actualité dans tout ce qui a reçu Tania Tension. Exactement. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bien, on va commencer par les nouvelles locales, c'est-à-dire Trois-Rivières et la région de Trois-Rivières, la Mauricie. On commence pas par la rue Père Marquette? Non, c'est très, très local. Oui, c'est très, très local, mais non, malheureusement, c'est rien passé de très, très extravagant. Un jour. Vous allez voir, peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'UQTR, mais... En tout cas, on va commencer tout ça en parlant, en fait, de Luc Plamondon et du Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Mais en fait, on a déjà eu des hommages faits de la part du Cirque du Soleil ici à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre. On parle entre autres de Beaudommage, Robert Charlebois. Et maintenant, dans l'engrenage de tout ça, ça serait en pensée Luc Plamondon qui verrait à son tour son œuvre être une espèce de trame de fond au nouveau spectacle du Cirque du Soleil qui serait présenté à l'amphithéâtre Cogeco l'été prochain. Déjà en partant, Luc Plamondon était présent lorsqu'on a fait la grande première de Robert Charlebois l'été passé. Les concepteurs des spectacles de type hommage qui sont présentés sur la scène de Trois-Rivières pendant la période estivale depuis 2 ans ont arrêté leur choix sur le parolier qui a mis sa plume au service de plus grands, des plus grands noms de la chanson québécoise et de la chanson française au cours de sa longue carrière. Donc, est-ce que c'est une simple coïncidence ou non? C'est la question qu'on soulève dans le Nouvelliste parce qu'en fait, le principal intéressé était présent justement lors de la première du spectacle de Robert Charlebois en juillet dernier. Et le directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Steve Dubé, avait pas voulu faire de commentaires sur cette fameuse nouvelle-là, avait pas voulu non plus faire de commentaires sur est-ce que Luc Plamondon allait être le prochain à avoir un hommage. Il voulait pas qu'on en fasse tout un Plamondon. Oh mon Dieu! Hein. Mais ce qui serait très, très le fun avec un hommage à Luc Plamondon, c'est la diversité de ses œuvres. Ouais. On s'entend... Dans le domaine du quétaine, on va se le dire. Bon, dans le domaine de ce que... Ce qui est grand public. Oui, exactement. Okay. Ce qui est grand public, ça pourrait rejoindre, en fait, un bon nombre... je veux pas dire que les habitants de Trois-Rivières sont quétaines, mais ça reviendrait joindre une tranche d'âge en particulier qui serait apte à pouvoir acheter les billets. Parce qu'il y a de l'argent. Exactement, l'amphithéâtre. Donc, la diversité de l'œuvre de Plamondon, ça donne vraiment beaucoup de latitude aux concepteurs de ces fameux spectacles-là, du Cirque du Soleil, entre autres. Donc, le troisième spectacle des 5 qui seront conçus et présentés exclusivement à Trois-Rivières dans le cadre de l'entente qui lie justement le Cirque du Soleil et les gestionnaires de l'amphithéâtre jusqu'en 2019. Okay. Donc, ça serait le fun pour ça, en fait. C'est qu'avec ces pièces à lui, on pourrait faire un spectacle qui pourrait être très, très, très diversifié, qui pourrait aller rejoindre des gens qui n'aiment pas nécessairement tous la même chose. Et on sait quand même le succès de l'amphithéâtre aussi. Il faut vendre des billets, il faut que ça remplisse les salles. Exactement. Ouais. On se rappelle que l'année dernière, il y a eu une baisse comparée à la première année en termes de nombre de billets vendus. J'ai comme l'impression que justement, personnellement, Luc Plamondon et la diversité de ses œuvres pourraient faire en sorte que ça viendrait chercher des gens de plus et des gens qui viennent pas nécessairement juste de Trois-Rivières. Ouais. Robert Charlebois, ça l'a pogné aussi, sauf que ça l'a beaucoup moins pogné qu'exemple Beaudommage la première année. Donc, il faut remonter ces chiffres-là un petit peu. Et moi, je pense personnellement que ça serait peut-être une bonne idée de faire Luc Plamondon. Voilà. Et on se rappelle que quand on va aller voir ça l'été prochain, il faut se mettre bien de la crème solaire, sinon tu Plamondon. Oh mon Dieu! Est-ce que tu viens de dire ça pour vous? Hey, t'es vraiment mauvaise, hein, celle-là? Ouais. C'était pas... pas ma meilleure. T'as pas ta meilleure, non, en effet. tu donnerais pas la palme, mon nom. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait eu une baisse entre les deux chiffres. Bien, Robert Charlebois avait accueilli 58 000 personnes pendant 20 représentations au courant de l'été. Et en 2015, le cirque avait attiré 64 000 personnes. Est-ce que c'était parce que c'était la première année que le Cirque du Soleil s'amenait à Trois-Rivières et qu'on faisait un spectacle hommage? Peut-être aussi, tu sais, c'est pas nécessairement tous les gens de Trois-Rivières qui sont portés à aller voir le Cirque du Soleil à chaque été, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Puis, de l'autre côté aussi, mais justement, peut-être que Robert Charlebois avait attiré moins de gens. Ben oui. Tout simplement. Je sais pas, mais dans ma tête, Beau Dommage, c'est plus gros que Robert Charlebois, mais tu sais, en même temps, on sait pas. Donc, on verra avec Luc Plamondon. Ouais. C'est en suspens. Mettons, par cœur, comme ça, là, Luc Plamondon, c'est entre autres, c'est quoi? C'est les comédies musicales, ouais. Starmania, je sais pas. Il y en a fait plusieurs. Ouais. Beaucoup, là. Voilà. Du côté de l'UQTR, tout à l'heure, je vous parlais que j'allais probablement, peut-être. Je voulais juste pas commencer par ça. C'est ça, exactement. C'est ça. encore une fois, on parle dans le Nouvelliste, en fait, de l'UQTR, parce que bien souvent, c'est là qu'on va recevoir nos sources de l'UQTR. Les journaux papier. À part le Zone Campus. C'est ça, exact. Oui, le Zone Campus est là, mais tu sais, on sort aux deux semaines, le Nouvelliste sort à chaque jour. Et nos journaux papier ont beau être moins populaires, c'est quand même eux qui vont, sur le terrain, trouver la nouvelle, la pépite. Exactement. Et après ça, les autres médias le rattrapent. T'as bien compris. Donc, on a procédé cette semaine à l'inauguration du nouveau Desjardins 360D à l'UQTR. Oui, qui est ouvert depuis le mois d'août. C'est ça, ça s'est fait de façon officielle cette semaine. Mmh. Donc, on prend un virage technologique qui a été entamé durant les dernières années. Pendant l'inauguration officielle de l'espace 360D, ça s'est fait mardi, ici même à l'UQTR. Donc, le nouveau centre de service qui est novateur est destiné justement à la tranche d'âge des 18 à 30 ans. C'est le premier de ce type-là à s'établir à l'extérieur de la région de Montréal. Il y a l'Université Concordia, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal. Donc, vous l'aurez deviné, Concordia, UDM, UQAM, qui ont déjà, entrepris l'aménagement de ce fameux concept-là qui est au sein de leur institution depuis quand même bon temps. Mm-hmm. Mais on s'est dit que l'établissement trifluvien avait peut-être justement aussi cette fameuse, ce fameux virage-là pour la technologie. Pourquoi ne pas faire la même chose? Pour les 30 ans et moins, hein, ceux qui ont 30 ans et plus qui sont à l'UQTR, ne vous sentez pas concernés par cette nouvelle parce que ça s'offre même pas à vous autres. Mais c'est souvent parce que la tranche d'âge des gens qui sont encore à l'UQTR ont entre 18 et 30 ans, ben tout oui, simplement. Mais ça reste de la discrimination. 30 ans, c'est très jeune. Pour plusieurs... Pour une bonne un bon pourcentage. Ça veut pas dire que tu peux pas l'utiliser, par contre. T'as pas de service. Tu peux pas aller demander des services. Mm. Tu peux aller peser ses pitons. Tu peux aller prendre un thé. Ouais. Mais tu peux pas faire grand-chose d'autre en 30 ans. Faudrait faire le questionnement à savoir combien il y a de nombre d'étudiants de 30 ans et plus à temps plein. Ah, OK, à temps plein. Ici. J'avoue, c'est exactement. Un facteur. Donc, c'est déjà implanté depuis quelques décennies à l'UQTR, mais Desjardins est là depuis de bon nombre d'années. Et on a décidé de justement accentuer son association en créant l'espace thématique qui est unique en Amérique du Nord. Ouais. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Donc, on avait apparemment que Desjardins avait déjà une succursale de la Caisse Desjardins sur place. Faut le dire. Ça, c'est une nouvelle qu'on a passée un petit peu sous silence. Mm-hmm. Comme on appelle en anglais, bury the lead. C'est-à-dire qu'on a enterré la vraie nouvelle de la chose, qui est la fermeture de la caisse des Trois-Rivières à l'UQTR. Parce que la caisse en tant que telle n'existe plus. La caisse, avant, c'était une succursale de la caisse, je crois, du boulevard. Je crois que c'est la succursale des Forges qui était en multiples petites places indépendantes. On a fermé complètement cette caisse-là à l'UQTR, ça n'existe plus. Vous voyez peut-être encore des pancartes, genre une fois de temps en temps, de Desjardins dans l'université, c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore enlevé. En tant que tel, Desjardins n'est plus présent. Ils ont deux guichets, c'est tout. Mais à côté du 360D, il y a encore des bureaux. C'est fermé, les bureaux. Ils sont fermés. Oui. Okay. Les petits bureaux qui sont à l'intérieur du café 360D, c'est pour des consultations pour les 30 ans et moins. C'est pas pour la caisse des Forges, c'est pas pour un prêt, c'est pas pour rien. Il n'y a plus de services financiers comme il y en avait avant. Ce que j'en comprends. Encore une fois, j'ai pas les textes devant moi, mais c'est ce que j'en ai compris. Donc, la façon que ça fonctionne, en fait, c'est que si jamais vous arrivez au 360D, qui est situé au pavillon Ringuet, à l'entrée principale, en fait, vous allez voir directement devant vous. Super facile, c'est très beau, vous allez voir de très loin, et c'est là où les anciens guichets étaient. Là. Exactement. Oui. Donc, vous allez avoir un trio de conseillers qui vont être là pour vous, au profit varié, et qui vont être disposés à épauler, justement, les étudiants et les jeunes travailleurs, afin de leur prodiguer divers conseils pour qu'ils mènent à terme leur projet. Les chargés de clientèle ont les outils pour aborder des sujets comme, par exemple, le financement des études, l'achat d'une propriété, la planification d'un voyage, parce que c'est parfois ce que l'on veut faire en terminant nos études, la gestion des finances au quotidien et l'entrée sur le marché du travail qui est quand même une très bonne chose vu le fait qu'on est dans une université. Et les employés savent comment vous parler parce qu'ils sont eux-mêmes souvent des étudiants, c'est ce qu'on a appris aussi en allant les visiter. Et moi, je suis toujours là pour amener le côté négatif de ton côté positif. Oui, vas-y. Comme ça. Ça veut juste dire que les gens n'ont plus autant d'expérience que ceux qui travaillaient là avant. Bien, ça dépend parce qu'il y en a certains qui travaillent chez Desjardins depuis déjà un bon nombre d'années. Au moins. Ils étaient en succursale et lorsqu'ils ont décidé de faire le 360D, ils ont amené des gens qui étaient déjà dans les succursales, mais qui étaient étudiants en UQTR. Donc, on les amenait sur un terrain déjà connu, mais juste de leur donner, tu sais, comme alternance travail-études. C'est quasiment la même chose, en fait, pour eux. Ils étaient déjà connus du monde de Desjardins dans d'autres succursales à Trois-Rivières. D'accord. Donc, on a des tableaux interactifs, comme tu le disais tout à l'heure, vous faites peser ses pitons et tout ça. Vous allez avoir une aire d'études aussi, de repos et des bureaux qui forment l'espace dynamique du 360D. Tu parlais de thé tout à l'heure, c'est dans l'espace repos et tout ça. Et le concept est unique dans le sens que c'est une succursale des Caisses Desjardins, mais il n'est pas en mode traditionnel comme on le connaît habituellement, mais c'est un modèle qui n'est pas nécessairement traditionnel non plus. Donc, on est en mesure de desservir la clientèle au complet et il y a des besoins beaucoup plus complexes apparemment face aux étudiants. Et on réfère justement aux spécialistes qui travaillent dans une succursale, certains étudiants qui ont des projets X qui sont beaucoup plus d'envergure ou encore qui ont des besoins beaucoup plus complexes. Si jamais vous avez 30 ans et plus, j'imagine qu'ils vont répondre à vos questions, mais ils vont peut-être vous référer vers une vraie succursale. Il doit y avoir aussi là-dessus le fait que si tu as 18 ans, tu n'as pas nécessairement les mêmes taux d'intérêt que si tu en as 35. Mais tu sais, tu vas pas aller là pour, mettons, demander une carte de crédit. Je pense pas que c'est le but de la chose. Non, exactement. Je pense qu'ils n'ouvrent pas de compte non plus. C'est vraiment juste de l'aide à savoir planification d'un budget, financement des études, justement, parce que vous vous retrouvez à l'UQTR. Planification d'un voyage qui, souvent, vont être en lien avec vos études. Donc, c'est vraiment pour vous aider et dans la tranche 18-30 ans, comme tu le disais. C'est le fun, c'est un nouveau concept, mais si vous voulez ce que vous aviez à la caisse avant, ça se passe sur le boulevard des Forges, en avant des Rivières, parce que les autres sont toutes fermées. Ou dans une autre succursale, c'est tout dépendant. S'il en reste, n'allez pas approcher chez vous. Cherchez un peu, vous allez trouver. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ils sont bien fins. Ah oui, c'est ça. Le local où il y avait la caisse avant, qui était celui à droite, va être rendu à l'université. Apparemment que l'université va reprendre possession de ces locaux-là. Okay. Donc, présentement, c'est en construction dedans. Il y a comme plein de déchets. Ben oui, comme un peu vidé. Partout dans l'université. C'est genre. L'université aussi appelée genre la fosse à déchets. Oh! Pas moi qui l'ai dit, pas moi qui l'ai dit. Le gouffre à déchets. C'est ça. Et à dette. Bref. Donc, ça va être retransformé en locaux de l'UQTR bientôt. Voilà. Ouh. Je t'ai dit que j'ai le côté négatif de ton Oui, je sais. Aucun problème. Le Canada a testé sa première voiture sans conducteur cette semaine du côté de Toronto. Donc, on parlait depuis quelques temps de voitures autonomes, voitures électriques. Et pour la première fois, on a circulé lundi sur les routes du Canada dans le cadre d'un projet qui est piloté et qui est mené par l'Université de Waterloo avec la participation financière de l'Ontario qui souhaite justement se positionner comme un acteur de premier plan sur le prometteur marché de l'autonomie, il faut le dire, du côté de l'automobile. Donc, c'était une voiture Lincoln MKZ surnommée Autonomous. Je sais pas pourquoi. Autonomous comme un orignal oui, c'est canadien. Comme un orignal autonome. Il n'y a pas de référence au castor à ça? Non, en tout cas. Mais on pourrait, en fait, ils disent que le jeu de mots dans tout ça, c'est qu'on pourrait le traduire par autonoriginal. Ah ouais. Moi, j'aurais dit automobile. Comme autonome et automobile. Automobile. On s'en reparlera pour le nom, là. Ouais. On a roulé aux alentours de Waterloo, qui est le cœur de l'industrie canadienne de la haute technologie, qui est située au sud-ouest de Toronto. C'est souvent là qu'on va trouver aussi les concepteurs de voitures, les manufacturiers d'automobiles. Et une autre MKZ et un fourgon Chrysler Sprinter ont tous deux fait aussi l'essai avec eux en tant que voiture autonome, donc ils ont roulé sans conducteur. On parle de financement public dans le projet. Le gouvernement ontarien avait mis en place au début de l'année un cadre réglementaire qui était assorti de financement public pour justement accompagner le développement des voitures sans conducteur en espérant comme ça c'est ici comme chef de file mondial sur le marché des véhicules autonomes. C'est un projet pilote sur 10 ans, il faut le dire. Donc, on prévoit notamment la présence d'une personne dans chacune des voitures autonomes pendant le test de grandeur nature. Il est dirigé par l'Université de Waterloo, comme je disais tout à l'heure, le Hymer Hedwig Group et BlackBerry QNX, dont on a déjà discuté, qui voulait justement s'infiltrer dans le domaine de l'automobile comme ça. Dans un marché où ils ont peut-être plus de chance que dans les téléphones cellulaires. Probablement. Ouais. Filiale de l'ex-leader ou smartphone spécialisé dans les logiciels. C'est entre autres les logiciels, par exemple, GPS dans les voitures et tout ça. Bien souvent, ça va être la technologie BlackBerry que vous allez retrouver dans tout ça. Et l'Ontario héberge des usines des plus grands groupes automobiles américains, comme par exemple Chrysler, Ford, General Motors et aussi, par exemple, les Japonais, donc Honda, Toyota. Et c'est pourquoi on a fait le test du côté de l'Ontario. C'est un écosystème d'innovation. Donc, l'écosystème d'innovation de l'Ontario comporte quand même les plus grandes grappes des secteurs de l'automobile, de la technologie, de l'information et des technologies propres. Ce qui en fait de la province l'endroit idéal, justement, pour développer des technologies comme ça, comme un projet pilote de la sorte. T'sais, on s'entend, un projet pilote sur 10 ans, ça va prendre des essais-erreurs. On va faire des erreurs, mais on laisse la porte ouverte, justement, à ce projet pilote-là. Ce qui pourrait quand même être une bonne idée. Les voitures autonomes, c'est un des secteurs les plus en pointe dans la recherche de l'automobile présentement. Et les constructeurs qui rivalisent d'annonces pour présenter des voitures qui sont capables de se diriger toutes seules. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se positionner face aux voitures électriques. J'ai comme l'impression que peut-être que les voitures électriques vont avoir un petit peu plus la cote que les voitures autonomes. Je pense aussi. Moi, personnellement, ce que j'aime de conduire, c'est conduire. Ben oui. Alors, si tu me donnes une voiture autonome, je pas certaine que je vais apprécier l'expérience, mais quand même. Ça va être drôle d'avoir dans le futur, c'est les gens, des fois, tu leur demander est-ce que tu conduis manuel, automatique. Bientôt, ça va être genre est-ce que tu conduis ou est-ce que tu te laisses conduire. Parce que les cours de conduite, ça va être genre de se croiser les bras ou de tenir le volant. Ta voiture est autonome ou tu dois la conduire? Ça va être bizarre, le futur. En effet. Donc, en fait, on va mettre les premiers taxis sans chauffeur sur la route. On va faire les essais avec les premiers taxis. Ça a été conçu par la start-up Tonomi. Et on a commencé à circuler à Singapour avec ces fameux taxis-là dans le cadre d'un essai qui a été quand même limité. Là. Et mais comment est-ce qu'on va faire pour faire des meurtres s'il n'y a pas de chauffeur dans le taxi? Ben, il va falloir qu'ils embarquent deux dans le char puis qu'ils s'entretuent. Exactement. Ça va peut-être réduire le nombre de crimes dans les taxis à New York et tout ça. Je ne pourrais te dire. Du côté encore de l'automobile, parce que je l'avais dit hier, j'avais quelques nouvelles face à l'automobile. L'héritier de la compagnie Fiat, la mondiale Fiat, Lapo Elkin, a été kidnappé la semaine dernière. Par contre, quand j'ai parlé de meurtre, là, voyons, ce qu'on a su cette semaine, c'est qu'il a inventé son kidnapping pour extorquer de l'argent à sa famille. On s'entend? Sa propre famille. C'est l'héritier Fiat, puis lui, il décide que... Wow! Oui, exactement. Quel bon gars. Ouais. Donc... C'est un héritier de l'une des plus grandes familles industrielles européennes. Un homme âgé de 39 ans, un homme d'affaires qui défraye pourtant aujourd'hui la chronique après avoir inventé un kidnapping pour extorquer de l'argent à sa propre famille. Il est riche, il est puissant, il est bien connecté, mais la semaine dernière, il y a des fuses qui se sont touchées, je sais pas. Le multimillionnaire italien a choisi de se rendre aux États-Unis pour fêter Thanksgiving comme il se devait, comme il voulait le faire. Donc, il a décidé, en fait, pendant un temps disparu des radars, il a fini par contacter sa famille dans la journée de samedi, paniqué. Il disait, en fait, avoir été enlevé par une prostituée travestie et avoir besoin de 10 000 euros au plus vite. Parce que c'est des détails qui ne s'inventent pas. Ben non, exactement. Hein? Donc, si l'argent ne lui parvient pas, il risque d'être maltraité. Et c'est ce que disait l'héritier et c'est ce qui est sorti dans les journaux. Rapidement, la famille du kidnappé a contacté les autorités new-yorkaises, on s'entend. C'est quelque chose que l'on fait lorsque lorsque membre dick-slapped. De notre famille... Ouais. C'est ça, exactement. Donc là, un des représentants a versé la somme qui était réclamée par un commissariat. La fortune du clan est estimée à plusieurs milliards d'euros. Donc pour eux, 10 000 euros, c'est peut-être un 20$ pour nous autres. C'est ça, exactement. On s'entend, là... C'est pas un très gros nombre d'argent pour eux. Mais on a mis les bouchées doubles. Pas question de voir un des héritiers de l'Empire Fiat être séquestré sur son territoire. Donc, New York s'est mis aussi justement à chercher et tout ça. Et quelques heures après la demande de rançon, il y a des officiers de la NYPD, donc New York Police Department, qui ont mis la main sur Lapo Elkin. Une bonne nouvelle de courte durée. En fait, il a été placé en état d'arrestation, mais c'est vraiment lui qui a décidé de faire ça. On sait pas encore pourquoi. Mais c'est incroyable comme histoire. Ben oui. Ouais. Et ben... C'est... En tout cas, il a été mis sous détention, présent... il est toujours sous détention pour déclaration de faits imaginaires. Ouais. En même temps, peut-être qu'il y a de la drogue là-dedans, puis il a vraiment imaginé s'être fait kidnapper. Oui, peut-être. Peut-être qu'il est honnête là-dedans, mais juste pas tout à fait là. Hein? Bref. Non, c'est ça. Tu sais, on dit pas encore pourquoi. On dit juste qu'il a été arrêté dans la nuit de dimanche pendant qu'il marchait en compagnie de son supposé agresseur. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'était peut-être un ami, puis lui, il sait pas, mais il vient de se faire traiter d'agresseur, de kidnappeur. Wow. Donc, l'homme en question, en fait, a été relâché par les autorités. Ça a été fait. L'héritier Fiat, lui, s'est vu remettre une citation officielle qui l'appelle à comparaître devant un tribunal de New York en janvier prochain pour des réponses de fausses déclarations. Il a été libéré à son tour, je pense c'est hier, avant d'annoncer sur Instagram qu'il s'apprêtait à quitter le pays pour se concentrer sur des projets professionnels. ouais. C'est ça. En 2005, il a déjà été retrouvé inanimé dans un appartement de Turin en Italie et dans son sang, il y avait de fortes quantités d'héroïne et de cocaïne. Mm-hmm. Et en sa compagnie, il se trouvait un travesti de 53 ans. Drôle de hasard quand même que les deux histoires aient un lien comme ça. C'est ça, exactement. Wow. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un... En tout cas... Ça va faire un maudit bon film, par contre. C'est sûr. Ouais, hey, comment s'appelle le gars, déjà? Lapo Elkin. Le titre du film, ça va être... Fiat, Lapo Elkin. Non, c'est ça. Genre, oui, La folie dans la peau ou... chose comme ça. Peut-être. Ou La peau, taux rose. Oh! La peau. Ouais. En tout cas. Le gars, il s'appelle Lapo. Ouais, c'est ça. Ouais. On a parlé de voitures autonomes, pourquoi pas parler de voitures électriques? On parle souvent de voitures électriques et c'était un segment qui était dans l'émission En piste avec Tania Baudin avant émission en congé. C'est une pause de quoi, 2-3 mois? C'est ça, exactement. Donc, en Europe, en fait, c'est l'Europe qui fait parler du côté électrique. On parle qu'une voiture électrique serait égale à celui d'une auto à essence dès 2024. Ah. Donc, c'est quand même dans pas trop long, disons ça comme ça. Et c'est grâce au projet de la technologie et à la baisse des prix que rouler en voiture électrique pourrait être moins cher qu'avec une automobile à moteur essence dès 2024. Donc, c'est la conclusion d'une étude qui a été commandée par le Bureau européen des unions de consommateurs qui voient dans la prochaine décennie, c'est-à-dire 2020-2030, une convergence en moyenne des coûts associés à l'achat et à l'utilisation des voitures qui sont équipées de moteurs thermiques et qui roulent à l'électricité. Là, il faut le dire, ils ne roulent pas à l'essence. Donc, ces dernières sont actuellement plus chères à l'achat et souvent subventionnées, il faut le dire. Ouais. Et au fil des temps, bien, ça vous coûte de moins en moins cher parce que vous n'avez pas à... tout en mettre de l'essence de votre voiture. Et ça va être de moins en moins subventionné, un peu comme les ampoules. Quand on devait changer, ils donnaient de l'argent pour acheter des ampoules. C'est ça. Avec le temps, c'est devenu normal d'acheter ça. Exactement. L'autonomie reste encore inférieure à ce qu'on espère pour une voiture électrique en termes de comparaison avec une voiture à essence. On parle aussi de recharger une batterie. Ça demeure quand même un bon temps pour remettre la voiture au plein de sa forme, disons ça comme ça. Mais on parle aussi des subventions qui seraient inutiles dès 2024 en Europe. Donc, d'ici à 2024, le coût total de possession, on parle d'achat et fonctionnement d'une voiture électrique, en moyenne, ça pourrait égaler celui d'une voiture à essence. Et on disait justement que dans le cas des voitures diesel qui est subventionné en Europe, les courbes se croiseraient dès 2030 pour justement être égales et ne plus avoir à être subventionnées. Tant mieux. Voilà. Ouais. Est-ce que tu savais que ça va mal pour GoPro? Non, je savais pas. Eh bien, oui. Apparemment que ça va pas super bien pour le fabricant américain de petites caméras là, qui filment, ouais, pour ouais. ceux qui savent pas ce qu'est une GoPro. Ils sont en difficulté, en fait, et c'est ce qu'ils ont annoncé mercredi. Par contre, ils annoncent aussi un nouveau plan de structuration qui va passer par une réduction de 15% de ses effectifs et l'abandon de certaines activités. Donc, ils ont lancé la nouvelle par communiqué et l'entreprise a prévu de supprimer environ 200 postes à temps plein et de fermer sa division Entertainment, à travers laquelle ils ambitionnaient d'élargir son activité vers, par exemple, les médias avec des productions originales de contenu vidéo. C'est quelque chose qui se voyait beaucoup. Ouais, on mettait beaucoup d'argent. Vraiment, exactement. Ouais, ouais. Donc, la demande des consommateurs pour GoPro elle est là, elle est solide. Ils ont recentré, par exemple, de façon forte, leur stratégie pour justement concentrer leurs efforts. Focus un peu. C'est ça, ouais. Exactement. Donc, c'est ce que disait Nicholas Woodman, qui est le patron fondateur de GoPro. Et on parle de restaurer la croissance et la rentabilité dès 2017. Ils font tout ça, dans les compagnies. Ils essaient d'aller voir plus loin que leur marché pour essayer de faire encore plus d'argent et réaliser que ça marche pas, puis ils reviennent au centre. Ça pourrait revenir. Bien, en fait, les différentes mesures envisagées doivent, on dit pas peuvent, mais on dit doivent, permettre de réaliser des économies chiffrées à 650 millions de dollars pour l'ensemble de l'année prochaine. Ouais. Présentement, l'action GoPro gagnait 2% à 10,9 en milieu d'après-midi à la Bourse de New York. C'est ce que les investisseurs veulent voir, là, une compagnie qui focus comme il faut, qui fait ce qu'il faut. Là, C'est surtout ça. Quand tu es investisseur dans une compagnie comme celle-là, tu veux que ton argent s'en aille à la bonne place et que tu fasses de l'argent, surtout avec ton argent investi. C'est le but, hein? Donc, oui, en effet. Pour ceux qui connaissent pas GoPro, je sais pas, là, ça se peut. Là. Une caméra que tu peux reporter sur la tête, sur ta moto. Exactement, c'est une mini-caméra qui avait été popularisée, en fait, par les adeptes de sport extrême au départ. On les mettait sur nous pour justement se filmer ou en snow, exactement. Et on avait séduit aussi les adolescents, les jeunes adultes qui voulaient partager des vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux. Mais l'entreprise semble avoir du mal à élargir son public de plus en plus. Et les investisseurs ont commencé à s'inquiéter l'année dernière sur les perspectives de croissance et l'éventuelle saturation du marché. Donc, c'est pourquoi ça ne va pas nécessairement tout le temps bien du côté de GoPro. C'est pas comme un iPhone, tu changeras pas ta GoPro à chaque année. Un, ça coûte super cher, deux, de l'HD, c'est de l'HD. Hein? Ben, c'est ça. Bon. Tu sais, à un moment donné, quand t'as 12 modèles, choisis-en. Et plus petite que l'ancienne, OK, parfait, mais bon, tu changes pas ça chaque année. Non, en effet. Ils ne sont pas les seuls à réduire leur nombre d'employés. Mmh. Rogers le fait aussi. Oh. On parle de 27 mises à pied dans l'édition et dans le contenu numérique anglophone. Oui. Donc, on a déjà mis à pied 27 employés à temps plein dans la division d'édition de contenu numérique de langue anglaise. Ça s'est passé mercredi. C'est à la suite de l'annonce du départ d'ici le 31 décembre de la quasi-totalité des employés de publications francophones. Loulou, entre autres. Au revoir, Loulou. Exactement. Et donc, le géant des télécommunications a soutenu que les 27 nouvelles mises à pied réduisaient des dédoublements de rôles et que Rogers s'attarde à réduire ses coûts pour faire face aux difficultés qui persistent des médias imprimés. Mais mardi, les employés concernés des publications francophones de Rogers avaient appris qu'ils perdaient leur emploi, la plupart du temps, tous en même temps. Ouais. Ah, Rogers, pour vrai, pas une compagnie à suggérer à grand monde pour aller travailler là. Hein? Non, hein? Non, leur chaîne de télé non plus, ça roule dans le beurre, ça fait presque plus de production originale, ça tourne en rond, Rogers, c'est nul. On a décidé, en fait, de garder la version francophone de Châtelaine. Ouais. On a détruit la version anglophone Châtelaine. Châtelaine, dont la publication sera réduite à 6 numéros par année, simplement. Et le couperet tombe sur le magazine de féminine Loulou, qui, elle aussi, va être coupé. Ouais. Donc, l'entreprise était à la recherche d'acquéreurs pour l'actualité et Loulou. Je pense qu'on est encore à la recherche. On n'a pas nécessairement trouvé pour le moment. Mais c'est un petit peu triste, ça. Oui, c'est sûr. Toujours triste des pertes d'emploi comme ça. Oui. On en a pas discuté en onde. Par contre, ça s'est discuté un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y a eu un écrasement d'avion en Colombie qui avait à bord une équipe de soccer qui s'en allait dans un championnat. C'est 71 morts qu'il y a eu à la suite de tout ça. Donc, ils ont perdu. Adieu. Excuse-moi. Terrible. Mais on aurait une hypothèse, en fait, sur l'écrasement. Ça serait un problème de carburant qui pourrait avoir causé l'écrasement en Colombie. Donc, on a eu plusieurs hommages au cours de la semaine, un petit peu partout en Europe et un petit peu partout dans les clubs de soccer mondiaux. Donc, après l'écrasement aérien qui a fait 71 morts, dont la plupart étaient des footballeurs, des journalistes et des personnes employé de l'équipe. Les causes s'orientent possiblement vers un problème de carburant. C'est une hypothèse qui se renforce, mais qui doit être analysée par les enquêteurs, comme les informations de la boîte noire ou les enregistrements de la tour de contrôle qui n'ont pas encore été retrouvés. C'est ce qu'a déclaré des journalistes Alfredo Bocanegra, qui est directeur de l'aviation civile colombienne, en précisant qu'aucune réponse définitive était attendue avant 6 mois. Donc, ça va prendre 6 mois avant qu'on puisse avoir les vraies réponses. Mais l'hypothèse du carburant, c'est l'hypothèse la plus plausible présentement. Très triste. Le gars, il s'appelle Alfredo Bocanegra, c'est ça? Oui, c'est ça que j'ai dit. Wow. C'est tout, Mathieu. Ah, oui. C'était ma dernière nouvelle. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Une nouvelle triste pour terminer ça, toi. Oui, je sais, je m'excuse. Ouais. Merci, on te retrouve tous les jours, tous les matins de semaine. Quand Mathieu m'oublie pas. Quand j'ai oublié une fois à date en un an et demi. Deux fois. Bon. Mais c'est pas grave. Ouais. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Impose-toi, là. Ben oui. On prend une pause. Au retour, c'est Alex Marchand. On reçoit Alex Marchand, le président de l'AGE, pour les nouvelles de l'Association générale des étudiants. C'est au retour. Assemblage requis, restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. Toujours à Assemblage requis en ce jeudi 1er décembre 2016, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, on est là pour encore une bonne partie de votre matinée, on est là jusqu'à 9h30, on a plein d'autres choses à venir tantôt. J'ai vu Judith Étier arriver pour parler du Noël du pauvre, ça s'en vient. Mais avant ça, on a Alex Marchand. Bonjour. Bonjour, le président de l'AGE-UQTR, parce que c'est la chronique de l'AGE-UQTR. AGE-UQTR, AGE-UQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGE-UQTR, parce que l'AGE-UQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro. Raise the roof! Yep, raise drop your hands! Ça prendrait de la bass par exemple, faudra en amener un dans le studio et essayer de trouver un riff qui serait pas pire pour ajouter là-dessus, ça serait merveilleux. Tu peux remplacer la flûte, hein? Ah, ben pourquoi pas? T'aimes pas ça? La J'aime flûte. Pas la flûte, non, ça. Elle fausse un peu, je pense. Ouais, ben je pense que c'est pas une mélodie qu'on a écrite à la base. C'est juste de la flûte, t'es pas en général. Donc, Alex Marchand, t'es président de l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Ben oui. C'est comme ça, c'est ton titre. Ben oui. Et aujourd'hui, on parle comme toujours de tout ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent et dans le futur. On commence par le passé avec Movember. Oui, oui, exactement. Hier, s'est terminée l'activité Movember. Donc, les participants des associations étudiantes sont venus montrer leurs merveilleuses moustaches qu'ils se sont laissées pousser au courant du dernier mois. Donc, ceux qui sont capables d'en faire pousser. Je connais des gens qui ont fait pousser leurs moustaches et il n'y a aucune différence avec le mois d'octobre. Mais poussé, mais molle. Je pense que je sais de qui tu parles ouais, en plus. Vincent, appelons-le Vincent. Ah non, c'était même pas Vincent, non. C'était Alexandre Ferland. Ah, ok, non. Ah non, en tout cas, Samuel aussi. En tout cas, bref. Il y en a une couple qui ont pas, ils sont imberbes de la lèvre supérieure. Au moins le milieu. C'est le fun, des fois, moi aussi, ça fait ça, des fois, un petit peu, ça pousse moins dans le milieu. Ah, ok, c'est genre, c'est comme un anti-Hitler, le moustache. Ah, ben c'est bon quand même, tu sais, ça doit être un signe de passivité. Mais bref, c'est ça, donc hier, tous ceux qui étaient là ont bien apprécié l'activité. Il y a eu de la bière aussi qui a été distribuée naturellement parce qu'on est une association étudiante après tout. C'est ça, de Soulon. Oui, ben, la GE possède un bar quand même. Oui. Faut c'est dans votre personnalité. Point l'utile à l'agréable, non? Oui. Donc, c'est pas mal ça pour l'activité Movember. Beaucoup de participants, je pense qu'il y a eu au moins 25 personnes qui ont décidé de participer cette année. Officiellement, ceux qui se sont inscrits. Exact, pour laisser pousser leur moustache durant tout le mois de novembre. Mm-hmm. Ils ont obtenu des points pour chaque participant, justement, par association étudiante pour la Coupe des associations. Donc, ça a été un beau succès. On est super contents. C'est dommage, on parle tout le temps de Movember, mais on parle jamais du No Shave November. Moi, c'est celui que j'ai fait. Le No Shave November, c'est juste de ne pas se raser pendant le mois de novembre et prendre l'argent que tu aurais payé pour te raser. Ceux qui achètent des cartouches de rasoir, là. Mm-hmm. Bon, ce qui n'est pas mon cas, mais quand même, tu fais un don à la place si t'as pas d'argent. Et tu donnes l'équivalent de cet argent-là à la fondation, qui est aussi pour le cancer et d'autres maladies typiques. De la prostate et autres. C'est ça. Oui, Ah, No Shave November, je préfère ça à Movember quasiment. Ah oui, je vais pas se faire pousser la moustache. Il y a les filles aussi qui portent le papillon, le nœud papillon pour ceux qui peuvent remettre de l'argent. Très joli, c'est un nœud papillon, j'aime ça. Super. Ensuite, Tribune Libre. Avant hier, donc mardi, a eu lieu l'activité Tribune Libre. On a reçu Mélanie Lemay, qui a aussi été invitée à Tout le monde en parle il y a à peu près un mois de ça, avec Ariane L'Italien. Les deux sont venus parler de violences sexuelles, entre autres sur les campus, mais aussi un peu de violences sexuelles puis de culture du viol dans notre société. Ça a été une conférence vraiment super intéressante. C'est une personne qui est super impliquée justement dans le milieu, entre autres avec les CALAX, qui sont les lieux où les personnes victimes d'actes sexuels peuvent trouver de l'aide, en fait, un lieu communautaire. Puis elle avait vraiment beaucoup d'informations sur le sujet, puis elle a pu donner beaucoup d'informations sur le sujet. Ça a été vraiment super intéressant. Honnêtement, même sur le féminisme, je pensais un peu que les féministes étaient l'équité un peu au niveau des salaires et tout ça, mais je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin que ça par cette conférence-là, puis que avant d'atteindre vraiment une espèce d'égalité sociale entre les hommes et les femmes, notre société a encore un bout de chemin à faire. Ouais. Vraiment, c'est juste par rapport à la pression que les femmes vivent dans la société versus celle que les hommes ont à vivre, juste par le socialement, c'est vraiment c'est quelque chose. Puis j'ai vu en ligne que ça prendrait jusqu'à 2030 pour que l'équité salariale entre une femme et un homme soit vraiment égale. Wow. Okay. Oh my god, c'est loin. Ouais, c'est dans un bon bout. Mm-hmm. On voit déjà qu'il y a une centaine d'années que le mouvement a commencé avec les suffragettes, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense. Mais on va y arriver un jour, continuer. Je crois. C'est ça, faut changer les mentalités, faut en parler, puis ça risque de se faire un jour. Et le prochain Tribune Libre, est-ce qu'on a une idée de quand ça s'en vient? C'était supposé être début décembre, sauf que la personne étant... je pense que c'est une des personnes qui fait « Faut qu'on se parle ». Alors, elle est quand même très occupée, c'est avec Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Martin Hossan. Très occupée de ce temps-là, puis en plus, elle est tombée malade, la personne. Donc, elle a décidé de reporter à début janvier pour la prochaine Tribune Libre, pour être en pleine forme, puis être capable de nous rocker ça. Super, on surveille ça. Oui. Alors, ensuite, le camp de mi-mandat. Oui, exact. L'exécutif de la GQTR s'est réuni en fin de semaine dernière pour notre camp de mi-mandat. On a revu nos plans d'action, rajouté certains points, on en a retiré pour d'autres. On a aussi revu les budgets, on a fait un peu de team building aussi pour essayer justement de créer l'espèce de team spirit qui nous permet de mieux travailler ensemble puis de mieux travailler dans l'intérêt des étudiants. C'est ça, dans le fond, ça a super bien été. On a bien travaillé, on a quand même eu du fun aussi, donc ça a quand même... Ça a bien été, en fait, genre de voir les retombées de ça là, sur le prochain conseil exécutif qui est notre instance. Je vais se dérouler le vendredi, mais là, le vendredi, on a autre chose, je vais vous en parler dans quelques minutes. On n'a pas de conseil exécutif. Bon, on en reparlera. Ensuite, dans ce qui s'en vient plus tard, après le passé, on commence par le Noël du pauvre. On va en parler un petit peu avec Judith Etier tantôt. Oui, mais exact. Moi, je ne m'étirerai pas sur le sujet. C'est juste pour annoncer en fait que le GQTR a décidé de d'acheter des billets comme à chaque année, depuis plusieurs années déjà, des billets pour le Noël du pauvre. Donc, on est 9 personnes qui vont aller au CAPS ce midi pour manger du spaghetti pour justement... Le GQTR a décidé de remettre un don justement de 9 billets de 15 $ de billets. Donc c'est une cause à laquelle on croit, puis on vous invite à écouter la chronique de Judith pour en savoir plus sur le sujet. Génial. Ensuite, formation Sentinelle, qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est vendredi que ça se déroule en collaboration avec l'UQTR. C'est une formation pour la prévention du suicide, en fait. On est 3 personnes du conseil exécutif puis 3 employés de la GQTR qui vont suivre cette formation-là. Donc si jamais quelqu'un qui est en situation de crise, on va être en mesure d'aider justement encore plus les étudiants sur un plan qui va être plus social puis un peu plus psychologique, sinon de renvoyer à des bonnes ressources. Donc si jamais vous vivez une situation difficile, ne vous gênez pas, après vendredi, on va être formé puis on va être en mesure de vous aider si jamais vous vivez une situation difficile puis que vous savez plus trop où aller avec ça. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir puis on va savoir quoi faire pour vous aider, donc vous gênez surtout pas. Formation Sentinelle, j'ai l'impression que j'imagine la GQTR avec des cordes après les mains comme les Sentinelles de l'air pour vous aider. C'est fun. Cré. Oui. On en parle une fois de temps en temps, le CRE, on se rappelle jamais de ce que l'acronyme veut dire. Ouais, puis je suis pas capable de vous le dire non plus, non. Donc on va continuer comme ça, CRE. Ouais. Exactement. En fait, c'est ça. En fin de semaine, samedi, il va y avoir une réunion à l'Université de Montréal pour discuter de la CRE. Campagne de revendication et d'action interuniversitaire pour les étudiants et étudiantes d'éducation en stage. Oui, exactement. Merci Mathieu. Oh mon Dieu, t'as une mémoire incroyable. Puis, c'est ça. Zéro Google là-dedans. Zéro Google. Puis, c'est ça, en fait, on s'en va à l'Université de Montréal où il va y avoir probablement la conversion entre la CRE et le Comité de travail spécifique de l'Union étudiante du Québec. Donc, première partie de la réunion, ça va être une réunion normale de la CRE. Ceux qui ont un mandat pour aller au comité de travail spécifique vont rester pour la deuxième réunion. Ceux qui n'en ont pas vont probablement partir. Donc, on va probablement parler un peu de stratégie, puis qu'est-ce qui se passe avec la CRE, quelle orientation qu'on va lui donner avec le comité de travail spécifique, puis aussi le don qui a été fait par justement l'Union étudiante du Québec de 14 000 $ pour la revendication, en fait, puis pour, entre autres, la recherche de l'aide aux associations pour qu'ils puissent se déplacer. Et aussi, finalement, pour la dernière chose, c'était le coordonnateur. Le coordonnateur qui, en fait, qui réunit les gens présentement. Super sympathique. D'ailleurs, il cuisinait ses ailes de poulet quand je l'ai appelé. C'était quand même une drôle de discussion. Là. Un personnage, je dirais. Je vous donnerai des nouvelles. Mais il avait vraiment l'air sympathique. Ensuite, on parle d'impro. Je sais que t'es dans l'équipe oui. De la Luitre. Oui, exactement. C'est plus à titre personnel. Là. Si vous voulez, lundi, les Rouges vont jouer. Je n'ai même pas regardé contre qui encore. Je sais que les Rouges ont joué, j'ai ça à mon agenda. Je me souviens plus, moi non plus. Mais bref, les Rouges de Gabriel Béhoud, dont tu fais partie. Oui, exactement. Avec Marc-André et avec Magali. On va se faire du fun sur stage si vous avez voulu venir voir. C'est gratuit, c'est 20h oui. Lundi, Alexandre. Oui, exactement. Je pense même que Gab vous a invité aussi à venir voir l'impro hier. Donc, tout à fait. La semaine prochaine, il y a deux matchs. Il y en a un jeudi à 21h aussi. Oui, effectivement. Bref. Ensuite, on a un rallye des assos aussi. Ok, c'était tout prochaine. Pour le point de l'impro. Ok, je pensais qu'il y avait d'autres choses. Okay. Non, je pensais genre la GEQTR avait invité. Il y a rien d'autre à dire. Okay. J'ai profité de ma tribune un peu. Donc, tu disais le rallye des assos. Oui, exactement. Le rallye des assos, là, c'est mardi prochain. En fait, le principe de rallye des assos, c'est qu'on on achète un permis d'alcool, de permis de réunion pour le pavillon de la vie étudiante. Donc, entre les portes. On a le droit de se promener avec de la bière. Oh. Donc, chaque association, en fait, se fait livrer une caisse de bière par l'OGE. Puis, on s'arrange pour que les associations, ben, tu sais, ils fraternisent un peu, en fait. Mm-hmm. Donc, on rencontre les exécutifs de chacune des associations, on rencontre entre eux. Je dirais que c'est pas ouvert à tous, c'est vraiment une activité qui est associative, par exemple. T'sais, c'est pour ça que si vous avez le goût de venir, impliquez-vous dans votre asso, faites des événements, tripez avec ce monde-là. Si vous avez le goût de vous impliquer, d'ailleurs, je vous invite à le faire. C'est une des bonnes raisons de le faire, d'ailleurs. Mm-hmm. Puis aussi, ça vous fait grandir sur le plan personnel, ça je vous dirais à un niveau incroyable, puis ça vous permet aussi de développer vos compétences en organisation d'événements, travail d'équipe, en réunion aussi, gestion de réunion, toutes ces affaires-là, gestion financière, gestion de contrat légal, c'est vraiment si vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous impliquer, gênez-vous pas, mon bureau c'est 10-25, je vais vous en parler pendant des heures si vous voulez. Ah, oui. Impliquez-vous, je dis juste ça, impliquez-vous. 10-25, oui. Pensez-y, c'est comme 10h30 mais avec 5 minutes de moins. 10-25. Oh, oui, exactement. C'est à mnémonique. Hein, oui. Et pour terminer, on en parle, je pense à chaque semaine depuis un mois environ, mais là, enfin, je pense que ça s'en vient bientôt, c'est à ton de crochu, le quiz. Oui, jeudi prochain. Bien sûr, pas aujourd'hui, l'autre d'après. L'autre jeudi. Exactement. Le, évidemment, le 8 décembre. Oui, c'est ça, exactement. Toujours dans le cadre de la Coupe des assos, qui va en fait avoir, je sais pas pourquoi, c'est la chasse-galerie, justement, une activité à ton de crochu, donc un peu à la manière de... Tu défends un quiz de VTL. Exactement, qui est animé par Alexandre Barrette, si je me rappelle bien. Et qui va jouer en reprise pour sûrement les 5-6 prochaines années. Ah, merveilleux. Ouais. Donc nous, on va l'amener chez vous en plus parce que ça va être en live puis vous allez pouvoir y jouer, je crois. Donc si jamais vous avez le goût puis qu'il reste plus d'équipe puis vous avez le goût de vous essayer, vous pouvez quand même monter une équipe puis probablement que vous allez pouvoir jouer à Tombe Crochet jeudi prochain. Donc si vous avez le goût de venir faire un petit tour, vous êtes les bienvenus. Génial ça, à Tombe Crochet. Cool! Oui. Puis il y a peut-être une petite dernière affaire que j'avais pas dit, c'est que si vous me voyez dans le corridor, vous savez pas à quoi je ressemble peut-être, genre une chemise à GEQTR, ouais. Je me suis dit pendant jusqu'à la fin de mon mandat, j'allais me faire au moins 1 heure de PR par semaine dans la cafétéria. Donc je vais me promener, je vais jaser avec les gens, venez me voir. Sérieusement, parce que j'essaie de ramener vers la base. C'est quelque chose en faisant campagne que je voulais faire justement retourner aux étudiants, mais là je me ramasse tellement occupé que j'ai plus le temps d'aller vers les étudiants. Donc c'est quelque chose que je veux vraiment ramener dans mon mandat, puis juste de retourner à la base, savoir c'est quoi que les étudiants veulent, c'est quoi leur passion, c'est quoi qu'ils veulent pour le GEQTR en fait, puis est-ce qu'ils savent qu'est-ce que c'est le GEQTR? S'ils savent pas, je vais leur dire, après ça ils vont pouvoir me dire qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que ça va être merveilleux, on va pouvoir avancer beaucoup avec ça. Donc cool. Si vous voyez quelqu'un se promener dans le corridor avec une chemise, avec le logo de l'OGE, venez le voir. Ouais, c'est un petit jaquette noire là. Ouais. Jaquette. Aussi. Ah, c'est qu'en dessous? Oh oui, c'est exactement ça. Je mettrai pas le manteau. Pas le manteau? Non, il y a aussi un manteau. Alors, si vous voyez que le manteau, arrêtez-moi quand même. Là, c'est oui, pas parce c'est que j'ai pas de chemise qu'il faut pas m'arrêter. Là. Mais est-ce que t'es seul avec un manteau de la GE où il y en a comme 42 dans l'université qui peuvent se faire arrêter? Pas 42, mais on est 9. OK. Tout le monde a eu son petit jacket de la GFK. Oui, exact. Cute, cute, cute. Ah, on est brandé, là. C'est... Bref. La GFK est tellement corpo, là. Ben oui. Alex Marchand, man of the people. Oui, oui. On va leur demander une commandite. Ben, c'est ça. On n'a pas ça dans des trucs de c'est fou. Merci, Alex. Merci à vous de m'avoir reçu encore une fois aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. Tout plein de sujets, encore une fois. C'était vraiment intéressant. Je parlais avec David aussi. Ferron. Par rapport, oui, Ferron, exactement. On a peut-être eu un petit brainstorm, là. Par rapport à grosse pointe en dresse. Oui, la chronique janvier. Alimentaire qui s'en vient plus tard à l'émission, ouais. Oui, oui, mais ce sera pas. C'est vrai, il faut oublier de spécifier. Mais je pense qu'en janvier, on pourrait peut-être essayer quelque chose avec une grosse pointe en dresse. Okay. Tu sais, là, il va y avoir une offre alimentaire à la chaise galerie avec des sandwichs et des affaires de même. Ça pourrait être bien le fun de les tester à la gang. T'sais, on les coupe en quatre puis on les mange, tu sais. Hey, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de gros, là. Oh, ouais, je pense. En tout cas, je dis ça de même. On pourrait essayer. En même temps, on pourrait donner des notes de dégustation à nos auditeurs puis ils pourraient savoir quel sandwich est meilleur pour eux autres. Ah, mais c'est une idée fantastique. Et en passant, j'ai pensé à mon affaire hier parce qu'on parlait, bon, c'est pas encore tout à fait défini la date exactement où on va terminer assemblage requis pour l'hiver. Ça pourrait être dans le coin du 21-22. Donc, ça se pourrait qu'on fasse pas d'émission le 22. Peu importe, on va faire le potluck le 15. Je pense que c'est la meilleure date qu'on pourrait se citer. Donc, le 15, un gros potluck, une grosse pointe en dresse. J'ai envie qu'on se dédie l'émission pas mal, quasiment complet, à faire d'une grosse pointe en dresse et goûter plein de choses. Ça vous tente, ça? 15. Ouais. Si stand-by, ça se pourrait que ce soit le 22, mais je vais dire le 15, parce qu'on va être plus safe comme ça. C'est le temps, mon agenda. Good, merci Alex Marchand. Une grosse pointe en dresse, c'est la chronique alimentaire qui s'en vient plus tard dans l'émission du jeudi. Et Alex Marchand, on le retrouve tous les mercredis à 8h pour le chronique de la GAQTA. Merci encore. Mercredi? Jeudi. Oui, c'est ça. Jeudi. Je sais pas pourquoi j'ai dit mercredi. C'est pas grave, ça arrive des choses comme ça. Ça m'arrive tout le temps. Oh, jeudi à 8h. Alex Marchand, président de la GQTR. Merci encore. Nous, on va entendre une pièce musicale avant de passer à Judith Étier qu'on va recevoir tantôt pour parler du Noël du pauvre. On a plein de choses à se dire par rapport à ça, mais pour l'instant, voici The Hidden Cameras sur le palmarès anglophone, Tania. Voici Day I Left Home. Place. The Hidden Cameras avec D.A.L.F. sur mon assemblage requis. On prend une pause au retour. On parle du Noël du pauvre. Oh oui. Avec Judith et Thier. Assemblage requis. Ah, c'est fou 89 FM. C'est fou. 89.1. C'est Assemblage requis qui continue jusqu'à 9h30 en ce jeudi 1er décembre 2016. Elle est Talia Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Avant de parler du Noël du pauvre, on le mentionne sans cesse. On met vraiment le paquet sur les mentions du Noël du pauvre aujourd'hui parce qu'on va en parler avec Judith Tetti dans quelques moments. Mais avant ça, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe au niveau très, très hyper local, comme on appelle, avec l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Jusqu'au 8 décembre, le Bon Camarade et la GEUQTR organisent une collecte de denrées non périssables. Les denrées seront distribuées aux étudiants et des paniers seront placés partout dans l'université pour ramasser vos dons. Le 2 décembre se tiendra entre 17h et minuit le 58e Téléthon du Noël du pauvre à la salle J. Antonio Thompson. Il est quand même déjà possible de contribuer à la cause. Pour donner de l'argent ou devenir bénévole, allez sur le site lenoeldupauvre.com. L'UQTR et les artisans bénévoles de la paix se réunissent pour la grande guignolée des médias. Durant toute la journée du 8 décembre, des bénévoles seront aux différentes entrées du campus. Une autre belle occasion de contribuer à une belle cause. Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez écrire à l'adresse courriel lynne.sancartier@commercialuqtr.ca. Jusqu'au 13 décembre ont lieu les inscriptions pour UQTR en spectacle. Il s'agit d'un tremplin extraordinaire pour les étudiants de l'université qui ont un talent pour la scène. Pour s'inscrire, il faut passer par le kiosque K1B situé près de la cafétéria du pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Il est également possible de s'inscrire via la page Facebook d'UQTR en spectacle. La GEUQTR ouvre deux postes au sein de son conseil exécutif. Il s'agit des postes de vice-présidence aux finances et développement et celui de vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Les mandats se dérouleront entre le 11 décembre et le 30 avril. Des bourses compensatoires sont offertes. Votre curriculum vitae et une lettre de motivation sont exigées pour le dépôt de candidature. Vous pouvez soumettre la vôtre au local 1022 ou 1023 du pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du Zone Campus, qu'on reçoit presque tous les jours, mais depuis quelque temps, on dirait qu'il arrive plus tard, on dirait. Mais oui, il veut plus nous voir. Il a compris que c'était trop de bonheur, qu'il avait trop de bonheur. et c'est lu par, évidemment, Tania Baudin. Hein? Oui, bonjour. On ne la présente plus. Présente. Voilà. On écoute l'Info Campus deux fois dans l'Assemblage Requis, une fois à 6h30 juste avant l'émission, vers les 8h30, 9h, ensuite à midi et ensuite à 18h, du lundi au jeudi. Et aussi le vendredi, c'est genre à peu près vers les gens midi et vers les gens 17h15-20 dépendant. Bref, le vendredi, c'est un petit peu plus lousse comme horaire, n'est-ce pas? Une nouvelle capsule sera présentée à l'émission de lundi. Voilà. Maintenant, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, et c'est le moment de passer à l'acte, pour vrai. On reçoit Judith Étier, bénévole pour le Noël du pauvre. Bonjour, Judith. Bonjour, Mathieu Plante. Des fois, j'ai envie de t'appeler Edith. Je sais, Judith, tout le monde Edith. M'appelle Edith. C'est dur. Et en plus, il faut dire Étier, je pense, parce que ton nom de famille s'écrit sans accent aigu, ça. Ben, c'est Étier, même si c'est écrit sans accent aigu. C'est ça qui mélange un peu tout le monde, ouais. Judith Étier. Bref, t'es là pour nous parler du Noël du pauvre. Ouais. Commençons par la mission du Noël du pauvre. Ouais. Pourquoi est-ce que ça existe? C'est pour venir en aide à toutes les familles défavorisées qui sont dans la région de la Mauricie. Un peu comme la guignolée des médias. Okay. Mais c'est vraiment pour la région de la Mauricie. Il y a des activités qui se font, des activités de financement qui sont organisées tout au long de l'année pour venir en aide à ces familles-là. Et il y a le Téléthon qui se fait le 2 décembre, demain, pour ramasser des dons dans des barrages routiers, dans la région de Shawinigan, de Louisville, à Trois-Rivières même. Tous les dons sont amassés pour ces familles-là. Et toi, t'es bénévole sur le chantier, sur le terrain. Oui, sur le terrain, exactement. Dans la rue, on ramasse des dons, des gens qui veulent arrêter, bien, Ils donnent ce qu'ils veulent, puis on est là avec, leur, avec notre sourire, puis on a du fun. Absolument. Est-ce que tu sais déjà à quel coin de rue tu vas être qu'on puisse te croiser? Oui, le Barkov, proche du centre d'achat du Cap de la Madeleine. Wow, Cap! Oui. Donc, tu l'as dit, le Téléthon, c'est le 58e Téléthon qui va avoir lieu demain, vendredi soir, de 17h à minuit. Ça se passe à la salle J.A. Thompson, comme toujours. Ouais. Ça va être diffusé à plein d'endroits, à la télé de Radio-Canada, c'est oui, ça? À Radio-Canada, c'est diffusé à partir de 17h jusqu'à minuit. Il y a des artistes qui sont là, qui vont venir avec des animateurs géniaux, dont, excusez-moi, des animateurs... Il y a beaucoup d'informations. Oui, Sophie Bernier. Oui, du Téléjournal. Pascal Lévesque et l'animateur bien connu, Sébastien Benoît, qui vont se joindre à toute l'équipe pour animer toute la soirée. Ah, j'imagine que les activités ou les numéros qui vont être présentés, habituellement dans un téléthon, toutes sortes de numéros de chants. Oui, les chants de la danse, des groupes, des chanteurs bien connus qui sont là, dont Claude Dubois, Annie Villeneuve, Paul Darèche, Jérôme Couture, David Jalbert, Marie-Josée Lord et tout plein d'autres qui sont là. Mario Pelcha va être en Mario Pelcha. OK. Tout plein de bons artistes. Cool. Il va y avoir tout plein de gens de Radio-Canada aussi qui vont être là, journalistes, animateurs, personnel technique. C'est vraiment l'équipe au complet de Radio-Canada qui s'est mis là-dessus. Donc ça, c'est vraiment bien. Et pour la 29e année, la direction musicale va être par Yvon Bellemare et son équipe de musiciens et de choristes qu'on connaît bien. Je pense qu'à chaque année, c'est la tradition d'avoir ce style musical-là dans le pas le gala, mais la soirée, si on veut. Oui, oui. Il y a aussi une vente de la générosité qui s'en vient. Qu'est-ce que c'est, cette vente-là? Sur le noeldupauvre.com, on peut acheter des objets autographiés, des spectacles qui vont être mis en vente, des trucs comme ça? Oui, c'est juste pour avoir, tu sais, pour donner, mais avoir un petit quelque chose en retour, pour juste... Un petit freebie, un petit bonus. Oui, c'est ça, pas juste... Les gens ont besoin d'une raison de plus de donner souvent, que la c'est pauvreté. Ça, les gens ont besoin de recevoir un petit quelque chose pour voir qu'ils ont donné quelque chose à des gens. Pas juste donner de l'argent dans la rue puis se dire hey, « ça va-tu vraiment à la famille? » Si je donne de l'argent dans la rue, j'ai pas de reçu d'impôt. Non, c'est ça, exactement. c'est comme ça que ça se passe. On peut suivre les activités du Téléthon sur la page Facebook. Il y a aussi un hashtag NDP. Pas NPD. Non, c'est ça, NDP. Même si en anglais, le NPD, c'est le NDP. 16. À ne pas mélanger. C'est ça, hashtag NDP 16. ça va être vraiment bizarre si tout le monde commence à parler du Noël du pauvre. NDP. Ou NDP. Bref. Donc, ça se passe, tu disais, le 2 décembre. C'est sur Internet aussi, pour ceux qui n'ont pas de télé. Ouais. Ça arrive en 2016, les jeunes n'ont plus de télé. Non, c'est tout sur Internet, mais c'est diffusé en direct. Facile de voir toute la soirée. Je pense que tout le monde va être là à regarder ça j'espère. Le 2 décembre. Oui, oui. Et donner de l'argent le plus généreusement possible. Oui. Je sais que la GIA OQTR aussi participe à ça. Il y a un dîner spaghetti qui se passe ce midi. Oui. Si je comprends bien, c'est au CAPS. Oui. Ça va être bon, ça? Ça va être super bon, sûrement. Sûrement. C'est pas toi qui l'as cuisiné. Non, malheureusement. Mais je suis pas très bonne en cuisine. Non. C'est correct. On aurait pu demander genre la recette de la mère de Judith. Non. Etier. Non, peut-être. Toute la famille Etier. Toute la famille Etier. Etier. Tu vas être tanné que je dis ça. Ah, c'est sûr. C'est pas grave, c'est mieux que Edith. Oui, absolument. T'aimes pas le prénom Edith? Bon, tu vas te mettre à l'autre d'Edith. Ouais. Butler. Et pas là en performance, on a dit quoi? Non. Non, je pense pas. Elle chante pas. Edith Butler. Elle chante pas. Mais non. Edith Butler. Ben oui. Non? Non, Mathieu, c'est une actrice. Non, hein? Oui? Oui? C'est qui la chanteuse d'abord? Ben, il me semble. Pas mal sûr qu'elle s'est dit de battre là. Je sais pas du violon, là. On s'éloigne du sujet. Mm-hmm. C'est moi, j'ai du violon. Je cherche. Tu joues du violon? Je joue du violon. OK, parlons de ton violon. Tu joues du violon depuis combien de temps? Depuis que j'ai 7 ans. OK. Mm-hmm. Est-ce que tu vas faire une performance dans la rue, genre pour que les gens te donnent plus d'argent? Avec ta valise de... C'est une idée, c'est une bonne idée, mais j'avais pas pensé à ça. Pourrait. Ça pourrait, ouais. Bah, pour se dire à de l'animation. T'sais, après, ça, ils vont sortir cheap de rien donné, fait que. Hey, il faut qu'ils remplissent. Le Téléthon, ils doivent remplir de 17h à minuit. Ils ont sûrement une slot pour mettre du violon à quelque part. Sûrement. Sur scène. Sûrement. Probablement, Mathieu. Hein? Puis, tu pourrais aller faire incursion, genre, dans la maîtrise du Cap. Tu sais, les petits chanteurs de la maîtrise du Cap, ils vont chanter à la salle J'Antonio Thompson. Tu te glisses entre eux, puis tu joues. Tu peux sûrement. Il y a plein de choses à faire. C'est sûr. On lui donne plein d'idées. Là. Radio-Canada va être après nous. Le Téléthon, 17h à minuit, c'est demain soir, vendredi. Ça vient vite quand même, Noël Dupont. Oui, ça vient vite. Dès le début du mois de décembre. Et après ça, les activités vont continuer toute l'année, tu l'as dit. Ouais. Même au mois de mai, on est là puis on appelle les gens Noël Dupont. Oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe comme activité le reste de l'année, mettons, tu disais? Je sais qu'il y a des gens qui vont se mettre dans des festivals comme le Festival de la Galette à Louisville. Okay. Des gens qui étaient là. pour offrir des smoothies. OK. Puis tous les dons allaient au Noël du pauvre. Il y a des collectes qui se font dès le mois de novembre dans des centres d'achat. Il y a des bénévoles qui sont là, qui organisent des soupers spaghettis, comme tu disais, un peu partout en Mauricie. Puis tous les dons sont ramassés pour le Noël du pauvre, dans le fond. Pour les gens dans le besoin. Oui, pour les gens dans le besoin, tout le temps. Incroyable. Tout ça, c'est organisé par des bénévoles extraordinaires qui sont... Vous êtes combien, est-ce que tu sais? Au moins 2000 les plus bénévoles. Wow. Ouais, en tout, en comptant tous ceux qui s'impliquent dans les barrages routiers, c'est au-dessus de 2000 bénévoles qui sont là, qui donnent de leur temps pour ces familles-là, puis qui ont du fun. Noël du pauvre, c'est au niveau local. Oui. C'est vraiment pour la Mauricie. Oui, oui. OK. Je me demandais, parce qu'on ne dit pas Noël du pauvre Mauricie, parce que c'est pas une filiale d'un grand Noël du pauvre canadien. Là. Non, c'est seulement en Mauricie. Ça existe depuis 58 ans. Génial. Oui. Donc, on écoute tout ça vendredi soir à 17h à minuit. Yes. Justine Tétier, on te lit dans son campus. Yes. Des fois, il y a des critiques littéraires, des trucs comme ça. Ben c'est toujours le fun de te lire. Oui. On te voit assis sur une chaise tournante à une table en bois les lundis soirs en tant que blogueuse pour la lutte. Oui, toujours c'est la même fille place. Si une fille assise sur le coin en train d'écrire pendant le match. Avec son ordi, c'est moi. C'est Judith Tétier. La blogueuse de la lutte. Voilà, la ghostwriter qu'on appelle. on t'a donné le terme de ghostwriter, alors qu'une ghostwriter, tu sais ce que c'est? C'est quelqu'un qui écrirait les textes de quelqu'un d'autre, mais en ne donnant pas son nom. Ah, c'est ça le vrai ouais. Terme. Ouais. Ghostwriter. J'aime mieux blogueuse. vous pouvez la lire sur la page Facebook Luitre de la Ligue des pros. Merci, Judith, d'être passée à l'émission. Merci à toi, Mathieu Plante. Tu reviens quand tu veux. Je t'ai forcé à venir parler de ça. Ouais, mais c'est pas grave. C'est le fun. Ça donne de belles promos. Ben oui. On invite les gens à donner. Donner généreusement, absolument. Oui. J'allais faire un tour, justement, sur le site lenoeldupauvre.com, parce qu'on parlait de la vente de la générosité. Ouais, là. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, entre autres, vous avez comme des forfaits Kinipi, des forfaits Rouge Vin. Tant qu'il y en a acheté pour des cadeaux de Noël. Ben, Festivois. Ben oui. Vous avez aussi Déballé le Québec, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ça a l'air Olympique, vous avez un truc par rapport aux Olympiques, les Aigles, Corporation culturelle de Trois-Rivières. Donc, allez faire un tour canadien. Allez faire un tour, vous allez voir... Il y a pas mal de stock là-dessus. LeNoëlDuPauvre.com. Ouais. Hashtag NDP16. C'est ça. C'est ça. Yes. Exactement. Merci, Judith. Merci beaucoup. On écoute Gasoline, l'amour véritable est aux rebelles, ainsi qu'aux gens dans le besoin. Hein, oui. Il n'y avait pas de lien à faire, mais j'en ai fait un pareil. Vous êtes ensemble à l'Ouaké jusqu'à 9h30. Sorti pour 89 FM. Gasoline, l'amour véritable est au rebelle à Assemblage requis. Breaking news, Tania. Quoi? J'ai un message de Stéphanie Paradis, ancienne co-animatrice d'émission, qui nous rappelle que Edith Butler, c'est pas quelle ville. Pas quelle ville, pas quelle ville, j'aurais pas. Ça te dit rien, cette chanson-là? C'est Edith Butler qui chante ça. Oui. Fait que oui, chanteuse. Ben voyons donc. Mais t'as dit Judith Butler tantôt. Non. Oui. Non. Je pense pas. Oui. Ça se peut. Je me rappelle pas. Oui. Possible. En tout cas, bref. Et on prend une pause. Ben, on va écouter les bandes sonores de tout ça, puis on reviendra là-dessus. C'est pas grave. Au retour de la pause, une grosse pointe à l'adresse à Assemblage requis. Oui. Restez là. De ça, hein? 1 minute 30, quasiment 2 minutes en plus. Tout à fait. Je pensais vraiment pas l'avoir fait jouer aussi longtemps, on était en train de jaser. Bref, Edith Butler avec Packetville sur son LP, son vinyle, je m'appelle Edith. Et non Judith, mais elle dit pas dans son album. De 1983. Pauvres auditeurs qui d'avoir enduré ça 1 minute et demie, mais c'est pas grave. C'est comme ça, on s'amuse. Mm-hmm. Au moins, j'ai pas joué la vidéo qui est suggérée sur YouTube de chaque côté, le temps d'une dinde de Roland Yacht en Non, mon Une Dieu. Chance que j'ai pas fait jouer ça. Le temps d'une dinde, d'une Ah, bon, ben, au moins, on a eu un extrait, hein? Bref, merci, Edith, Judith, peu importe comment tu t'appelles, maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis pour remplir un trou dans l'émission. Donc aujourd'hui, c'est le top des délices autour du monde qu'on devrait essayer. Oh, d'accord. Des choses délicieuses dans le monde. Hein, la nourriture, ça nous rapproche tous. Des fois, on a des goûts particuliers. Des fois, on aime ça expérimenter, essayer des nouvelles choses, comme dans la chronique Une grosse pointe à l'adresse qu'on va faire dans quelques instants. Il y a un confort universel autour de la nourriture. On sait, on aime ça. Donc, on parlera pas de choses faciles, on va parler de choses différentes à essayer. On commence en Indonésie, pas en dindon-désie. Là. Non. En Indonésie, avec le Kopi Luwak. Kopi Luwak. Si vous n'arrivez pas à passer votre journée sans café, les gens qui vont en Indonésie pourraient se prendre une tasse de Kopi Luwak. C'est le café le plus cher au monde. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Ben, c'est les chats. Des chats qu'on appelle des Luwak, L-U-W-A-K-S, peut-être des Luwak, qui mangent les baies. Ah, j'ai déjà entendu parler de ça, c'est dégueulasse. Il mange les baies de café, mais ne digère pas les grains de café. Donc, il les renvoie par leur autre orifice, celui qui est situé derrière. Hein, et ensuite, on ramasse ça par des fermiers locaux. On les lave, on les torréfie et on fait du café avec. C'est pour ça qu'on appelle ça du cat poop coffee des fois. Qu'est-ce qui rend ça si spécial? Une théorie nous dit que ces chats-là ne mangent que les meilleures baies de café, ce qui crée une sélection naturelle de qualité. Ah, au moins. D'autres croient que le processus de fermentation se passe dans le système digestif du loubac, ce qui réduit le côté âcre ou acide du café et améliore sa saveur naturelle. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord, hein? Tim Carman, critique alimentaire. Drôlement, il aurait dû être critique de char, Carman. pour le Washington Post, qui a essayé de copier l'ouvac il y a quelques années et a dit que ça goûtait exactement comme du Folgers. Oh mon Dieu, c'est méchant. Non, je trouve que moi, c'est mon café préféré dans les cafés en poudre. Mais tu sais, quand poudre. Tu dis là, qu'un animal ne peut pas digérer ce qu'il mange, comment est-ce que toi, tu es capable de le digérer? Ah ben là, hein? Ne sommes pas des chats. Ouais. Hein? Mais non, Folgers, vraiment, à essayer. C'est tout ce que je bois. Elle donne moins de brûlement à l'estomac. Bref, ah, okay. On va au Mexique maintenant. Alors, on va essayer le pozole. Pozole. La cuisine mexicaine qui est un des choix très populaires aux États-Unis. Donc, un voyage au Mexique, juste en dessous des États-Unis, pour être une bonne chance de s'y rendre tant qu'à passer par les États-Unis, pour accompagner votre enchilada ou votre quesadilla. Si vous cherchez un plat mexicain authentique, vous pourriez aller chercher un bol de pozole, une soupe qui date de l'époque des Aztèques. Le pozole, ça commence avec du hominy, qui est un type de maïs séché. Et de la viande, typiquement du porc. Donc, il y a plein d'épices qui vont vous mettre l'eau à la bouche. Et puis, on rajoute des ingrédients frais dessus, comme de la lime ou du radis. Historiquement, les conquêtes pré-aztèques, c'est ça? Les aztèques à la pré-conquête, voilà. Remettre les mots dans l'ordre. Utilisaient de la peau d'humain fraîchement sacrifiée dans leur pozole au lieu de prendre du porc. Ça, c'est la recette traditionnelle, je vous dirais. Comme Sweeney Todd. Ah oui? Ben, c'était le barbier qui tranchait des gorges. Oui, t'as raison. Pour en faire des petites tartes. Wow, miam. Non, c'était le pozole au Mexique. Ensuite, on va en Norvège pour le smalahov. Les steaks, on trouve ça presque partout, les steaks, mais les carnivores aventuriers qui veulent pas manger des humains devraient peut-être aller en Norvège pour trouver une assiette de smalahov. Traduit au sens littéral, c'est de la tête de mouton. Smalahov est en fait la tête d'un mouton, mais la moitié, séparée dans le milieu par une hache. Non! Ouais, qui a été brûlée par une torche, ensuite séchée, fumée et bouillie, ensuite servie avec des patates, des rutabagas, de la crème et du beurre. OK, puis comment tu fais pour manger ça? Ça doit être comme étrangement dur. Ben, le cerveau et d'autres organes sont enlevés, à l'exception de la langue, les yeux et les oreilles. Ben, l'oreille, parce que c'est la moitié de la tête, on ouais. sent. Donc, l'oreille, l'œil et la langue, qui sont généralement considérés comme les meilleurs morceaux de ce smalahov. le cœur est une tradition des fêtes norvégiennes. Tu sais, à la place de manger une dinde, tu manges une tête de mouton. Et typiquement, on consomme ça le dernier dimanche avant Noël. C'est aussi la tradition de servir ça avec de l'aquavit, qui est un spiritueux nordique. Donc, c'est pour ceux qui ont besoin de courage liquide avant de manger ce plat qui peut être des fois un petit peu dégueulasse. Oui, vraiment. Fascinant. Ensuite, on va en Argentine pour le carne asada avec du chimichurri. La viande grillée qui est, bon, bien sûr, traditionnelle partout dans le monde, mais en Argentine, on est fiers de la tradition du steak. Donc, ils ont un style de cuisson extérieur qui s'appelle asado, avec un héritage riche et des règles rigoureuses à suivre. On n'a pas le droit d'utiliser du gaz, pas de briquettes et pas de liquide à lighter, pas de liquide pour faire allumer un feu. Mm-hmm. Seulement du bois et du charbon. Oh, d'accord. Du hard lump coal. Lorsque c'est fait correctement, asado est un processus qui prend toute la journée, où chaque pièce de viande a tout plein de temps pour lentement rôtir. En Argentine, on préfère le steak medium bien cuit. Ouais. Medium too well done, donc entre medium et bien cuit. Lorsque les steaks grillent, sont en train de griller, les chefs en Argentine ont le temps de se faire du chimichurri, qui est le condiment préféré en Argentine. C'est une sauce, comment est-ce que tu dirais le mot tangy en français? Tangy comme genre qui pogne dans les joues un petit peu, comme ce côté acide un petit peu. Acide? Ouais. C'est une sauce qui n'est pas cuite. Peut-être un petit peu surette. Ça te pogne les joues, ouais. Donc, c'est une sauce qui n'est pas cuite, qui met en vedette du persil, de l'ail, de l'origan. et du poivron, des poivrons rouges. Le chimichurri donc est un bon complément pour n'importe quelle entrée presque, mais ça brille surtout avec du carne asada, donc de la viande cuite de façon traditionnelle. D'accord. Ensuite, on va en Islande pour le hákarl. Mais mon Dieu, c'est quoi ça? Le hákarl. Aucun plat a mérité une réputation aussi épeurante que le hákarl, qui est un délice islandais qui a été cuit pour la première fois par les Vikings. Et même le chef vedette Anthony Bourdain, qui n'est pas étranger aux saveurs inhabituelles, a décrit le hákarl comme étant la chose la plus dégueulasse que j'ai jamais mis dans ma bouche. Oh, OK. Les Vikings trouvaient donc des requins du Groenland dans les eaux autour de l'Islande. Ils ont ensuite découvert que les toxines dans la viande du requin rendaient ça empoisonné pour consommer par les humains. Leur solution était donc de trancher la tête du requin, ensuite d'enterrer la carcasse sous la terre entre 6 et 12 semaines pour permettre au liquide de quitter et pour la viande de fermenter. Certains Islandais modernes vont mettre de la viande dans une boîte de plastique à la place d'être sous la terre. Après le processus de fermentation, la viande de requin est coupée en longues bandes, en lanières, et c'est suspendu pour être séché pendant plusieurs mois. Et le produit final est défait en dés, des petits cubes blancs qui ont l'air tout à fait normaux. Et c'est célèbre pour son arôme d'ammoniac. Arc! Ouais. Non! C'est bizarre. Et quand tu le regardes sur la photo, on dirait juste des morceaux de... Oui, ça a l'air de du sucre. Ouais, on dirait des carrés de, je sais pas, de melon miel ou je sais pas trop. Mais c'est des morceaux de requin fermentés dans le sol. Je refuse. Étrange. Ensuite, on va en France et en Italie pour aller manger des truffes. Ben oui, rien de moins. Ouais, si l'odeur du requin ne vous met pas à la bouche, vous devriez aller plus au sud pour un délice célèbre avec une autre réputation. Par son poids, la truffe blanche européenne est un des délices les plus chers au monde. On peut vendre ça 3 600 $ par livre. Et cet énorme prix est dû à la difficulté de trouver et de faire la moisson de ces petits délices. Les truffes, ça pousse sous la terre, près de la racine des arbres, et les fermiers devaient utiliser des chiens particuliers pour sentir les truffes. Le fruit de ce champignon qui pousse sous la terre, les truffes généralement ne sont pas mangées toutes seules, mais sont une addition aromatisée à plusieurs plats, dont des pâtes, des sauces, des œufs et même des cocktails. Les plats à la truffe peuvent être trouvés partout dans le monde, mais les gens qui voyagent dans le sud de l'Europe devraient en essayer directement de la source, nous dit-on. Des truffes. Ensuite, on va en Zambie et au Zimbabwe pour le poisson kapinta. On est toujours dans la liste en passant des délices à essayer partout dans le monde pour ceux qui suivent pas. Donc le kapinta, qu'on appelle aussi le batemba. Pardonnez-moi, le matemba. Donc, c'est des petites sardines d'eau salée. Pas d'eau salée. Fresh water, c'est de l'eau pas fraîche, c'est de l'eau douce. En français, je crois. Eau douce. Donc, les sardines d'eau douce, originellement, elles sont natives du sud de l'Afrique, dans le lac Tanganyika. Plus tard, on les a amenés dans d'autres lacs de la région. Malgré le fait qu'ils ne font qu'en moyenne 10 cm de long, les kapinta sont surprenamment riches en protéines et en fer. Et sont très importants dans la diète, dans le régime des régions du Zimbabwe, de la Zambie et du Mozambique. Typiquement, le kapinta est attrapé la nuit et ensuite va être séché au soleil le jour suivant, donc le lendemain. Les poissons séchés sont très versatiles, peuvent être utilisés dans plusieurs contextes, que ce soit dans des ragoûts de base, sinon une sauce au curry sucré. Les gens du Zimbabwe qui vivent proche du lac Kariba aiment le kapinta frais, cuit dans la poêle, et servi avec du sadza, qui est un porridge, donc un genre de gruau, si on veut, de maïs. Ouais, c'est un peu bizarre, ça. Ouais. On va se prendre un petit peu de sadza pour faire tremper ou rouler dans le poisson et dans la sauce, et sans faire des dégâts, parce que les gens là-bas, les locaux, n'utilisent pas d'ustensiles pour ce plat-là. On mange ça avec les mains. Ensuite, on s'en va en Chine pour les Virgin Boy Eggs, les œufs des garçons vierges. Quoi? Ouais. Donc, les œufs bouillis, c'est quelque chose de traditionnel partout dans le monde. Tout le monde mange ça, les œufs bouillis. Mais les gens dans la province de Dongyang, en Chine, ont une méthode de préparation unique. À chaque printemps, les vendeurs locaux vont ramasser l'urine des des garçons. Quoi? Dans les écoles primaires. Non. Ouais, hein? Oh boy, le lever de cœur. Après la levée de corps. Dégueulasse. Donc, on va, ramasser l'urine de garçons à l'école primaire, spécifiquement des garçons qui ont moins de 10 ans. Ah, oh, ben oui! Les œufs vont être bouillis dans l'urine Et après une heure, la coquille de l'œuf va être craquée et on va cuire l'œuf pendant une autre journée. Dans l'urine? Dans l'urine, bien sûr. C'est dégueulasse. Même si la science moderne ne nous donne aucune valeur nutritive pour cette pratique-là, les résidents de Dongyang disent que les œufs dans les... Tu sais, eux autres, c'est pas des œufs dans le vinaigre, c'est des œufs dans le pipi. Dans le pipi de garçon vierge. C'est pour ça que ça s'appelle Virgin Boy Eggs. Hein? Ça donne apparemment plusieurs avantages côté santé, dont une circulation améliorée et une résistance aux coups de chaleur. Ah ben qu'un! Ils vendent ces œufs-là pour 25 cents chacun dans la rue, ce qui est 4 fois le prix d'un œuf bouilli normal. Et c'est tellement populaire là-bas qu'on les a appelés un héritage culturel intangible. Ah! Voilà. Non. C'est des œufs dans le pipi de garçons vierges de faites moins de 10 ans. Faites attention si vous allez en Chine. Vraiment. Achetez pas n'importe quoi. C'est particulier. Ensuite, on reste en Asie. On va aux Philippines pour le balut. Balut. Donc, les gens qui voyagent aux Philippines, au Vietnam, au Cambodge et d'autres pays du sud-est de l'Asie vont trouver plusieurs vendeurs dans les rues qui vendent des œufs, mais complètement différemment. Le balut, c'est des œufs de canard. Plus spécifiquement, le malard. J'ai aucune idée en français, c'est quoi, j'ai pas fait ma recherche. Donc, c'est un embryon de canard qui est vendu dans sa coquille. Les œufs fertilisés vont être incubés en incubation pendant 2 à 3 semaines. On dit que 18 jours est l'idéal. Ensuite, ils vont être bouillis vivants. Tu sais, dans le fond, ils sont incubés comme dans... Ils vont rester vivants dans l'œuf, genre. Et vont ensuite être bouillis vivants, des fois avec du sel ou du vinaigre ajouté pour la saveur. Les embryons de canard sont mangés au complet. Les enthousiastes disent, les gens qui aiment ça, donc parlent de la variété de saveurs et de textures. Tout ça dans un même emballage. Balut, traduit, ça veut dire emballé. Et ça vient de l'idée que l'exemple parfait devait être enveloppé de blanc. Donc entouré d'un œuf bouilli, mâchouillant dans la bouche. Plaisantement, on dit pleasantly chewy en anglais. Donc mâchouillant de façon plaisante. Et si vous êtes vraiment intéressé par la saveur, mais que vous n'aimez pas manger l'embryon, vous devez commander du Penoy, P-E-N-O-Y, qui est un œuf de canard qui n'a pas été développé jusqu'à ce qu'il devienne du balut, et qui est complètement un jaune d'œuf à l'intérieur, donc c'est au moins un petit peu moins dégueulasse que l'embryon, et ça goûte un peu similaire peut-être. Ensuite, on termine en Australie pour le pavlova. Les gens qui visitent l'Australie ne devraient pas s'attendre à manger des, comme on dit des fois en anglais, shrimp on the barbie. Ça veut dire faire des crevettes sur le barbecue, parce qu'en Australie, un barbie, c'est un barbecue. Mm-hmm. Pour moi, c'est beaucoup plus cute que dire barbecue. Sur le barbie. Donc, peut-être un steak de kangourou, mais si vous voulez quelque chose pour vous refroidir le gorgoton après une journée chaude, vous devriez prendre une tranche de pavlova, une pointe de pavlova, qui est, parce que c'est une tarte à la meringue crémeuse avec une croûte croustillante et avec une variété de petits fruits frais sur le dessus. L'histoire nous raconte que le chef australien Herbert Sachse a été inspiré par une ballerine russe nommée Anna Pavlova lorsqu'elle a visité l'Australie dans les années 20. Il voulait créer un dessert aussi léger que la danseuse. Tu comprends, elle qui flottait dans les airs en dansant. Il y a un autre côté à cette histoire-là. Par contre, la Nouvelle-Zélande, qui est juste à côté de l'Australie, bien sûr, réclame la propriété de ce plat aussi. Oh. Donc tout le monde veut sa pointe de tarte, comme on dit. Évidemment. Un article vraiment, à ma foi, excellent et extrêmement bien écrit de Garrett Williams. C'était un plaisir de le traduire via mentalfloss.com. J'adore des articles bien écrits. Merci donc, Mental Floss. Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. On a réussi à se rendre jusqu'à notre prochain poteau de 9h. Prenons la pause et au retour, nous devrions avoir de la visite pour une grosse pointe d'adresse dans moins de 2 minutes. Oui! Assemblage Rocky, on est jeudi, 1er décembre 2016, Tania Baudin. Et Mathieu Blount. Ouais. Écoute une petite chanson, on va te faire une grosse pointe d'adresse, attends-tu? Ben, j'ai aucun problème. C'est country, t'aimes ça demain? Ouais. Après Edith Butler. Ouais. On dirait que ça m'a inspiré pour entendre Lisa Leblanc. C'est du country dans ta tête, ça, du Lisa Leblanc? Ben là, écoute le début de la chanson, puis dis-moi que c'est pas un petit peu country, là. Mettons. Non? Ouais, ok. Tu me le donnes? Là-dessus. Bon. Voici Ace of Spades. Lisa Leblanc. Et après ça, une grosse pointe d'adresse.

au Raisin Sexe. Ce soir, au Raisin Sexe. Donc, au Raisin Sexe et au Pacane. Pour vrai, je savais que j'allais regretter peu importe lequel j'allais prendre parce que je voulais essayer les trois, mais ça aurait fait 21$ plus taxes. Mais beaucoup de points M, par contre. Ah, chez c'est Métro. C'est excellent. Ah, c'était chez oui. Métro. Ben oui. OK. Ah, je l'ai dit jamais parce qu'on veut pas faire de pub pour rien, mais c'est chez Métro. Non, mais là, on veut les retrouver, ceux-là, tu comprends-tu? Oui. C'est presque toujours chez Métro, en fait, mes produits. Sachez-le, je le mentionnerai peut-être pas à chaque fois, mais c'est pas mal tout le temps chez Métro. Bref, voilà, on aime ça. Et je suis sûr que si on avait eu des invités tels que prévu, on aurait eu des pouces en l'air de la part de tout le monde parce que c'était vraiment très bon. Maintenant, bloc de nouvelles de fast-food. On a parlé de ça 2 semaines de suite, mais on a plus de détails sur la tasse Amber dont Tania nous a parlé il y a quelques semaines de ça. Oui. La tasse qui tient votre café chaud avec un petit, une petite molette en tout bas de la bouteille, en bas du verre. Et donc, c'est chez Starbucks qui vient de sortir donc ce verre qui empêche votre café de devenir froid. Dites au revoir au café tiède lors de votre dégustation de pumpkin spice latte citrouille épicée chez Starbucks cet hiver. Starbucks s'est donc assemblé, demandé un partenariat avec Amber, la compagnie derrière la tasse Amber, qui est une tasse contrôlée par smartphone, faite pour garder votre café à la bonne température désirée toute la journée. Selon la compagnie, le verre fonctionne avec une série de sensors et d'anneaux réchauffantes qui vont donc réchauffer votre boisson ou la refroidir si vous voulez. Pour contrôler la température, vous avez juste à tourner, comme je disais, la molette située en bas de la tasse. Mm-hmm. On peut contrôler la température aussi sur l'application Amber. Une fois connecté à votre téléphone ou à votre montre intelligente, vous pouvez changer la température du liquide à l'intérieur seulement en tapant sur votre écran. Starbucks a fait suivre des mois et des mois d'inspection de sécurité parce que Amber en tant que telle était une compagnie, je sais pas si elle a commencé sur Kickstarter, il me semble, mais une compagnie que quand t'es nouveau sur le marché, tu peux pas vraiment faire full de tests. Non, c'est vrai. T'sais. Alors que Starbucks, eux, ont un standard de qualité à atteindre, donc ils leur ont fait faire des inspections de sécurité avant de permettre aux produits d'être vendus dans leur magasin. Donc ça devrait être béton. La chaîne a testé les tasses pour s'assurer que le processus ne changeait pas la saveur de son café. Hein? Ah. Les tasses Amber, présentement, je l'ai dit la semaine passée, je crois, sont vendues 150$ US. Très, très, très, très, très luxueux, très cher. Dans 100 Starbucks aux États-Unis. Faut aussi l'acheter en ligne, j'ai vérifié. J'ai même passé proche de regarder si au Canada c'était disponible. Mais c'est bien trop cher pour vrai. Pour une tasse, c'est difficile à justifier. Mais un jour, si ça devient populaire, ça pourrait baisser de prix d'au moins la moitié. Maximum 75, même là. Même là, c'est cher, US. C'est vrai. Ça fait genre 100$ canadiens. Mais c'est le max que je serais prêt à payer pour une tasse de café. Ensuite, on reste dans les tasses à café avec Brugger et leur Bottomless Mug, qui est bon pour du soda, de la liqueur illimitée, du thé et du café pour 2017 au grand complet. Donc, c'est la compagnie Brugger's Bagels Bottomless Mug pour 2017 qui va vous donner des refills gratuits de thé, café et soda jusqu'à la fin de l'année, qui est présentement en vente. Donc, c'est pas peu cher, bien sûr. Là, on parle encore une fois de très, très grand luxe, entre 175 et 195$ américains, dépendant de l'endroit. C'est peut-être pas peu cher, mais ça vous donne une très bonne valeur parce que vous avez évidemment de la boisson illimitée pour l'année et la tasse fonctionne seulement en 2017. Après ça, vous allez devoir acheter une autre tasse pour 2018. Si un café, un thé ou peu importe coûte environ, mettons, $2 américains et que vous visitez une fois par jour en 2017, on parle de $730 de boisson, sans compter le reste du mois de décembre. Mm-hmm. Si vous l'achetez tout de suite. Donc, le coût en moyenne de la tasse est de $185 américains. Et vous allez avoir une année et vous allez pouvoir repayer votre tasse en visitant 93 fois. On a fait tous les calculs pour vous. C'est seulement bon dans les succursales participantes aux États-Unis. Un seul refill par 30 minutes. Bon, là, ils ont mis des règles qu'il n'y avait pas besoin de mettre. Là. Non, exact. Si t'es capable d'en boire plus que deux en 30 minutes, là, garde-toi, t'as payé 175$ pour ta tasse. Là. C'est ça. Ça n'a pas de sens, mais bon. Et pour le café, ben c'est seulement du café drip coffee qu'on appelle, donc du café normal maison. Il n'y a pas d'espresso de disponible avec ça. Et certaines places pourraient inclure le chocolat chaud et du thé chai comme option. La Brugger's Bottomless Mug est vendue jusqu'au 31 janvier 2017 aux États-Unis. Voilà. Ensuite, c'est un hack en fait qui va changer votre façon de peler vos patates. On va peler des patates. Mm-hmm. C'est un truc pour enlever la peau d'une patate en la faisant glisser. Sans avoir utilisé un pèle-légume, là, comment t'appelles ça? Un économiseur? Un économe, qu'on appelle des fois en français. Bref, peu importe, c'est l'utilisateur YouTube FoodyTube qui a envoyé cette vidéo de hack vous montrer comment le faire avant de faire bouillir les patates. Et à la place, on va squeezer la peau directement de la patate une fois qu'elles sont complètement cuites. Donc, ça a l'air trop beau pour être vrai, mais la vidéo l'explique et apparemment que ça fonctionne très bien. On utilise un couteau très coupant, on perce la peau. Et on va dessiner une ligne tout le tour du centre de la patate. OK. Et on va faire tourner la patate avec une main tout en gardant le couteau bien droit de l'autre côté. D'accord, on se comprend? Ah oui! On transfère la patate dans un grand chaudron d'eau froide. On couvre les patates par au moins un pouce d'eau. On fait bouillir les patates jusqu'à ce qu'elles soient tendres à la fourchette et on va les drainer, on va leur enlever leur eau. Une fois qu'elles sont assez froides ou touchées, on va peler la pelure de patates de chaque côté en tirant sur la ligne qu'on a créée. Et voilà, la peau va simplement glisser sans effort. Non seulement parce que ça accélère le processus de faire des patates pilées, mais en plus, le nettoyage est bien moins stressant. Et une fois qu'on a essayé cette méthode-là, on ne voudra pas revenir en arrière, nous dit-on. Voilà. Hack facile. Mm-hmm. Ensuite, c'est une boisson des fêtes 2016. Ça s'appelle le Red Wine Hot Chocolate. Est-ce que tu connais? Je t'ai déjà pensé à faire du chocolat chaud avec du vin rouge. Hey! Quoi? J'ai vu ça cette semaine. OK. J'y pense fortement. Je te comprends, non? Donc, j'ai du vin rouge à votre chocolat chaud. Et dans le fond, la meilleure chose qu'on peut faire pour les fêtes, nous dit-on, c'est vraiment votre boisson réconfort de la saison des fêtes. C'est tellement facile à faire que vous allez vous demander pourquoi vous ne l'avez pas essayé avant ou encore tout le reste de l'année. Allez voir l'article. En fait, je pense qu'on n'a pas besoin de regarder l'article pour savoir qu'on va se faire du chocolat chaud dans un chaudron en versant du vin rouge dedans. Exactement. Et ensuite, ça va vous faire un chocolat chaud avec du vin rouge. Mm-hmm. Et on peut même faire un petit coulis de vin rouge sur le dessus de votre tasse. On sent, hein? Et faites comme un Pop Sugar et faites renverser tout le tour du verre tellement vous en voulez du vin dans votre tasse. On en jase-tu? Oh boy, ça a l'air magnifique. Et on va terminer avec le dernier petit article avec du chocolat licorne. C'est super rare et ça vient de la compagnie Ritter Sport. Tu connais les chocolats Ritter Sport? C'est des chocolats en carré. Ça me dit quelque chose? L'emballage avec un logo en carré. Oui, l'emballage en carré. Oui. Donc, on dit Quality Magical Chocolate. C'est le Unicorn Chocolate. Oh my God! La compagnie de bonbons du Royaume-Uni embarque dans le plaisir des licornes avec une édition limitée. Ritter Sport donc, a créé seulement 50 de ces barres de chocolat. Mais apparemment, c'est absolument incroyable. La saveur est au chocolat blanc avec du yogourt et un arc-en-ciel de cassis et de framboise avec une couche de glitter mangeable sur chaque bouchée. C'est évidemment super exclusif. Ça a été distribué à des influenceurs, comme on appelle sur Internet, partout au Royaume-Uni. Donc voilà, vous pouvez peut-être essayer de vous en fabriquer vous-même, vu qu'on sait maintenant que c'est du chocolat blanc avec des framboises et du cassis. Merveilleux. Les liens de cette chronique, on en fait juste 5 nouvelles. C'est sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse, parce que nous, on doit terminer l'émission ici, malheureusement, ce jeudi, parce que Julien en liberté s'en vient dans quelques minutes. Merci à Alex Marchand de la chronique de l'AGEQTR. À Judith Etier. Oui, du Noël du pauvre. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve lundi, et lundi à l'émission, on va avoir la chronique sport et philosophie. Donc, on va faire des sports avec Tania Baudin. Ça se passe lundi entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes, comme j'ai dit, à 9h30, c'est Génie en liberté avec Stéphanie Rompré-Ladouette et l'animateur principal, Samuel Girard. À 11h, c'est Patriotes en action. On va parler de sport universitaire. À midi, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 15h, la diffusion de la sortie de secours est à votre gauche, dernière de la saison. À 16h, l'Op Trotter en rappel avec David Ferron. À 17h, toujours en rappel, dépendant de la semaine, quand ils sont là, Radio Sonic, je crois qu'ils sont pas là cette semaine, c'est pas grave. Et 19h, en direct, avec Très Blues, Assez Fou, avec Denis Baudin. Oh oui! CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. On se quitte avec une pièce qu'on va se choisir comme ça, ensemble, un petit peu comme n'importe comment, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre pour se quitter, Tania? Est-ce que t'as une idée? Est-ce que t'as envie d'entendre quelque chose de précis? Dieu. Comme ça, là, j'aurais le goût d'écouter Go Down in Style, Toffees. Génial, Toffees, Go Down in Style, ce sera là-dessus qu'on va se quitter et on se retrouve lundi à 6h30. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bye. Hey, mon bon café, Tania. Ah, bon café! Merci. Sérieux. Je suis désolée. Wow. J'écrivais en même temps. Oui.